De nombreux moulins à eau jalonnaient son parcours et les Gobelins, célèbre famille de teinturiers, savaient tirer profit de ces eaux limpides. Hélas, les métiers plus polluants, tanneurs ou crépiers, transformèrent au fil des ans cette fraîche rivière en un cloaque si nauséabond qu'aujourd'hui, eh bien, la mienne a disparu dans l'anonymat des élus. Ça y a quelques souvenirs sur plaque émaillée restent et une vraie légende, et non pas une légende, bref, que je ne résiste pas au plaisir de vous narrer. Donc, en ce temps-là, à l'emplacement actuel du square Le Gall, la Bièvre se scindait en deux pour former l'île aux singes. À la belle saison, des ecclésiastiques venaient y chercher le silence et le calme propre à la méditation. Ce jour-là, un jeune vicaire profitait du soleil tout neuf pour se baigner dans l'un des nombreux trous d'eau laissés là par les crues printanières. Les oiseaux chantaient l'hymne à l'amour et fredonnant un psaume à la gloire du Très-Haut, notre moignon, nu comme un petit Saint-Jean, ayant seulement gardé son chapeau à large bord sur la tête, s'abusionnait dans l'offrage. Des taillis lui garantissaient tout risque d'exhibition impure, car en ce jour de semaine, l'île aux singes lui était, croyait-il, réservée. Ses ébats ayant pollué l'eau de salvatrice, l'idée lui vint de changer de baignoire. Quelques enjambées agrestes lui permirent de gagner le trou d'eau voisin lorsqu'il s'arrêta net à l'oreille du bosquet. Trois jeunes filles splendides dans leur nudité juvénile s'ébattaient dans la mare voisine. Frappée par la foudre de cette vision céleste ou diabolique, notre amie restait là, pétrifiée de stupeur, rougissant de la tête aux pieds, tandis que les trois naïfs gloussaient de plaisir à la vue